Bienvenue à l'écoute. Comme presque tous les pays de l'Afrique, Madagascar est la cible énormément d'intérêts par les sociétés minières. Et comme d'habitude, les intérêts miniers canadiens sont sur les lignes de front. Chérite International et SNC-Lavalin ont signé un contrat en partenariat avec 12 autres sociétés avec le gouvernement malgache en 2006 pour l'extraction de cobalt et le nickel à Mbotovi. Malgré le fait que l'extraction n'a pas encore commencé, les communautés environnantes souffrent déjà les effets de la construction et des infrastructures. Gwen a parlé récemment avec Mami Tratoko Trenebe, membre de collectif pour la défense des terres malgaches, par rapport aux allégations des dégâts environnementaux et de l'expropriation des terres paysannes. Mami Tratoko Trenebe, du collectif pour la défense des terres malgaches, qu'on abrège en TANY, T-A-N-Y, qui signifie terre en malgache. Et en fait, nous avons toujours travaillé sur les terres agricoles et l'association a été créée pour s'opposer au projet d'accaparement de terres de Daewoo à la fin de 2008. Mais quand nous avons vu que les paysans et les populations étaient expulsés de leurs terres, pas seulement pour les projets agricoles, mais aussi pour les projets miniers et pour les projets de conservation des aires protégées pour les forêts, nous avons étendu nos activités. Pouvez-vous d'abord juste nous décrire c'est quoi le projet exactement? Le projet d'Ambatovi? Oui. C'est une extraction de cobalt et de nickel. Et le produit fini donne du cobalt et du nickel, mais aussi du sulfate d'ammonium qui est un engrais. D'accord. Et un fertilisant, oui. Et les joueurs qui sont impliqués là-dedans, je crois que c'est plusieurs compagnies qui sont impliquées. Oui, oui, oui. Donc, il y a deux compagnies canadiennes qui sont Chérite et Lavalin. Mm-hmm. Et donc, Chérite à 40%, Lavalin à 5%, je crois. Mais en plus, il y a un Japonais Sumitomo à 27,5% et un Coréen du Sud, Corres Corporation, à 27,5% également. D'accord. Et les installations qui sont impliquées dans ce projet? Oui, alors les installations, il y a la mine d'extraction elle-même qui se trouve en hauteur, sur un plateau, mm-hmm. du côté de Mouramang. Et lorsque le minerai est extrait, il est, poussé et mélangé à de l'eau, ça devient une sorte de boue. Et quand il est mélangé à l'eau, il part dans un pipeline qui fait 220 km. Qui descend le plateau sur 220 km avant d'arriver à l'usine de raffinage, de traitement. Et cette usine de traitement se trouve en fait à 10 km du plus grand port de Madagascar qui s'appelle Tamatave. Et c'est là qu'il y a ces fuites de dioxyde de soufre et divers problèmes qui polluent beaucoup l'air et l'eau. Et en plus, il y a un stockage des restes de minerais qui vont rester là aussi à perpétuité. D'accord, on va revenir tout de suite sur ces enjeux-là. Mais d'abord, juste peut-être pour décrire à nos auditeurs et auditrices les communautés qui sont autour de ces installations-là. C'est qui? C'est quoi leur mode de subsistance? Et dernièrement, comment est-ce qu'ils ont réagi au départ à l'annonce de cette initiative minière? Près de Mouramang, là où il y a les extractions minières, la seule organisation qui travaille en tant que société civile, est un réseau d'ONG proche de l'Église catholique. Mm-hmm. Ils sont organisés dans un réseau qui s'appelle TARAT. C'est eux qui nous ont permis en fait, de savoir ce qui est arrivé à la population qui est pauvre, qui sont en majorité des agriculteurs, mmh. et donc qui ne comprenaient pas très bien les conséquences et la signification de l'exploitation jusqu'au moment où on leur a pris leurs terres pour construire l'usine et pour construire le pipeline. c'est dans les documents de cette ONG que nous trouvons différents détails sur ce qui arrive à la population. Alors, vous avez déjà mentionné des fuites et aussi l'enlèvement des terres des paysans dans les alentours du projet. Est-ce que vous pouvez nous parler plus globalement? Je sais que le mine n'est pas encore en production, mais il y a déjà des conflits autour de ces installations-là. Alors, précisément, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à date? Ce qui s'est passé, c'est que d'abord, on a donc pris les terres des paysans pour. On a déplacé les paysans pour les installations. Est-ce qu'il y a eu des compensations? Alors, les compensations sont considérées par les populations comme insuffisantes ou absentes. Mmh. En tout cas, les procédures n'étaient pas claires. Et on a dans un article de journal un cas où un paysan témoigne pour dire qu'il a reçu 60 euros comme compensation, alors que 60 euros correspond à la récolte de café annuelle qu'il obtenait de ses champs. Mmh. Et donc, ça ne va pas du tout. Après, il y a eu donc des destructions de terrain à cause du glissement de terrain à la suite des travaux. Et ceux-là, ils n'ont pas été compensés parce qu'ils n'ont pas été évalués. Et donc, les paysans ont perdu des terrains et des terrains de culture sans que ça ne soit pris en compte. Et quand ils ont été déplacés également, on leur a proposé d'autres endroits pour vivre, ainsi qu'une construction des maisons. Et les promesses n'ont pas toujours été tenues. Mais le principal problème que les gens rencontrent aussi, c'est la pollution de l'eau. Puisque donc les travaux ont sali l'eau et les populations sont obligées d'aller chercher de l'eau très loin pour avoir de l'eau potable. À part cela, donc il y a eu construction, donc il y a eu quand même des travailleurs qui sont venus occuper ces endroits de la mine. Et il y a eu des travailleurs étranges venant de d'autres pays, plus qualifiés, paraît-il, que les Malgaches, parce qu'on n'a pas beaucoup d'ouvriers qualifiés à Madagascar. Et donc, les ONG se sont beaucoup occupées de la lutte contre le sida. Mais à côté, cela a provoqué également une augmentation de la prostitution dans les villages. Mais d'une manière générale, le coût de la vie a augmenté. Enfin, la plainte qui est souvent émise aussi, c'est que les cadres, les employés de haut rang, ne consomment pas des produits malgaches, mais on les fait venir d'Afrique du Sud. D'accord. Et vous avez, je crois aussi qu'il y a eu une fuite de dioxyde de soufre qui a entraîné quelques décès. Est-ce que c'est bien ça? Alors, la fuite de dioxyde de soufre est arrivée donc en 2000. Parce que toutes les constructions sont terminées et ils ont commencé à tester la production. Et c'est dans le cadre de cette production qu'ils déclarent avoir fait 15 tests. Et selon Chérite, il y a eu une seule fuite sur les 15 et donc c'est normal. Et nous, par contre, on a des articles de journaux ainsi que des témoignages qui démontrent qu'il y a eu peut-être 4 même. Et il y a eu des malades. Certains journaux, il y a un article de journal qui dit qu'il y a eu des décès, mais Chérite refuse aussi en disant qu'il n'y a pas eu de décès. Et donc, pour l'instant, on n'a pas toutes les preuves de ce qui s'est passé, mais on a commencé à mobiliser toute la société civile autour des zones. Et il y a eu des associations qui se sont mises en place aussi pour défendre l'environnement ainsi que la santé. À Tamatave, donc dans la grande ville qui se trouve près de la zone de traitement des minerais, là où il y a le soufre, donc à côté du port. OK. Et jusqu'à maintenant, c'est quoi la réaction du gouvernement malgache envers cette situation? Oh là là, la réaction du gouvernement malgache, ben, elle est très faible. C'est eux qui ont dit que Chérite ne faisait pas tout ce qu'il fallait pour indemniser les populations et prendre en charge les maladies suite aux fuites. Mais après, on n'a pas vu, nous, d'action significative et importante de la part de Cherit pour résoudre ce problème. Et après, ils ont en plus envoyé plusieurs ministres sur place pour vérifier l'eau potable d'un fleuve qui s'appelle Ranmaïk, qui a été pollué. Cherit dit que ce n'est pas l'usine qui a pollué l'eau, alors qu'il y a un taux de soufre et de fer élevé. Et apparemment, le gouvernement n'a rien fait. Et à notre connaissance, alors qu'ils ont envoyé une équipe interministérielle pour regarder ce qui se passait le 2 mai, on a vu dans un article le 8 mai que la société coréenne a déclaré que la production a commencé. Donc on en est là actuellement. Apparemment, donc, le gouvernement n'a pas beaucoup défendu les populations. On ne sait pas ce qu'ils ont fait. Nous avons mis en place un appel urgent avec Mining Watch du Canada pour demander à ce que le gouvernement nous dise sur quels critères ils vont donner l'autorisation de mise en exploitation. On n'a eu aucune réponse et apparemment, mais on n'a pas encore de vraies preuves, apparemment ils ont commencé à exploiter. Mais personnellement, je pense que cette rumeur dit vrai, puisqu'un nouveau président de Cherit venant du Canada est arrivé en Batovie le début mai. Et du côté de Cherit, si on regarde sur leur site Internet, ils parlent d'une consultation continue avec les communautés, des investissements dans le développement des capacités locales, surtout le développement des petites entreprises comme fournisseurs pour le projet minière, un centre de formation agricole et dernièrement un centre de commercialisation agricole. Est-ce que ces initiatives-là aident à mitiger même un peu les effets de la mine et de ses installations, d'après vous? Aident un peu, peut-être, mais pas beaucoup, dans la mesure où, lorsqu'ils disent, par exemple, un nombre d'employés, on ne sait pas si ce sont des employés malgaches qu'ils comptent dedans ou tous les employés qui viennent des autres régions, des autres pays également. Ils parlent de culture, mais à côté de leur culture, je ne sais pas encore ce que cela donne au niveau des revenus des paysans. Je sais qu'ils se sont occupés aussi d'écoles et de centres de santé. Et ils ont formé, ils ont déclaré, nous on n'a pas vu, personne n'a encore pu constater, vérifier, mais on le fera. Ils ont construit, ils ont mis en place des centres de formation. Et donc, pour l'instant, ce sont des effets d'annonce pour nous, mais il faudra que l'on vérifie réellement. Mais dans tous les cas, ces impacts positifs, entre guillemets, ne correspondent pas vraiment à ce qu'eux, ils gagnent, parce que les lois malgaches sont très mauvaises. Les gouvernements successifs, celui d'avant qui a signé le contrat et celui actuel qui négocie avec eux, ne défendent pas du tout les intérêts du pays et les intérêts des populations, puisque il y aura pour Cherit, je crois que c'est 1% des produits qui reviendra à Madagascar lorsque les exportations vont commencer. Oui, et sinon, notre plus grand problème aussi, qui n'est pas compensé par tout cela, ce sont les risques environnementaux et les risques sanitaires qui ont été, mis en évidence par cette fuite, puisque depuis déjà plusieurs mois, sur Internet, on voit des plaintes venant des populations de Tamatav qui parlent d'odeurs de soufre très fortes dans la ville. Quelqu'un nous dit que le soufre est stocké en plein air à l'extérieur, donc ça, c'est tout proche ils sont en fait à 10 km du centre-ville, et il y a des villages à côté, et donc les intoxications et ainsi que la pollution de l'eau sont de véritables problèmes et on est très inquiet, puisque cette fuite, en fait, elle s'est passé à un moment où la société était en train d'attendre l'autorisation d'exploitation. Donc, normalement, ils faisaient attention. Et donc, on se pose des questions sur ce qui se passera pendant les 27 ans qui vont arriver, quand ils auront déjà le droit d'exploiter et qu'il n'y aura plus personne pour vérifier. Donc, nous, on s'organise entre les gens d'ici, puis les organisations sur place, pour essayer de vérifier déjà si Chérip a donné des compensations et des indemnisations pour les préjudices qu'il a causés. Et deuxièmement, nous envisageons réellement de mettre en place un audit juridique et technique des installations pour voir s'ils contrôlent tous les effets sur l'air et sur l'eau et sur le sol également de leurs travaux. Et nous pensons former, c'est une grande demande des gens de la société civile de Tamatave et de Mouramang, qu'on leur donne la formation pour pouvoir faire le suivi des conséquences des travaux de Chérip. Bon, dernière question. Est-ce que vous avez un message pour les Canadiens et Canadiennes, étant donné que Chérip International est une compagnie canadienne, ainsi que SNC-Lavalin? Est-ce que vous avez un message pour eux? Oui, notre message pour eux est d'être solidaires avec les populations malgaches pour nous aider à suivre et à exercer une pression sur Chérip pour qu'ils prennent en compte les intérêts des populations dans tous les domaines, surtout donc dans les domaines de l'environnement et de la santé, parce que notre gouvernement et nos lois ne nous protègent pas du tout et nos populations n'ont pas suffisamment de connaissances et d'expérience pour maîtriser et faire le suivi de tout cela. Donc nous sommes en train de commencer à mettre en place diverses choses pour aider les populations à se défendre et à se protéger. Mais nous avons vraiment besoin des habitants du Canada et de tous les Canadiens, des organisations canadiennes, pour exercer une pression sur Chérip, parce que actuellement, par exemple, nos lois demandent des études d'impact environnemental. Il y a avant d'avoir une autorisation d'exploitation, il y a une petite partie qui est publiée, mais il y en a beaucoup. On ne sait pas si ça a été fait, etc. Nous avons demandé à Chérip dans notre appel urgent de les publier, mais nous n'avons rien. Et donc, nous avons besoin d'une forte solidarité de la part des Canadiens. Effectivement. Alors, je vous remercie beaucoup, puis on va continuer cette conversation dans les semaines et les mois qui viennent. Merci beaucoup, et puis je vous tiendrai au courant, et puis merci infiniment à tous les auditeurs aussi. Vous venez écouter une interview entre Gwen Schulman et une camarade du collectif pour la défense des terres malgaches, Mami Tratokotrenebe, qui touche tout le problème des dégâts environnementaux et d'expropriation des terres paysans par les groupes canadiens Chérip International et SNC-Lavalin en Madagascar.